Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi elle est-il au pluriel? Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi elle est-il au pluriel? J'aime trop avoir RDV avec elle. Dans la rue, au ciné, je me sens frais avec elle. Plus d'une fois, j'ai canardisé pour Ken avec elle. Et après, j'ai fait le chien pour pas rester avec elle. J'aime faire le beau avec elle, surtout quand elle est belle. Qu'elle range mon bordel ou qu'elle fasse ma vaisselle. J'aime être moi avec elle, jaloux de toi avec elle. Et quand tu la déposes, j'avoue, je te toise avec elle. T'es jamais sûr avec elle, des fois je suis dur avec elle. Surtout quand j'envisage un futur avec elle. J'aime pas pleurer avec elle, mais rigoler avec elle. Ou bien la frotter, coller serré avec elle. En hiver, j'aime trop rester sous la couette avec elle. Quand ça va pas, j'oublie que c'est la merde avec elle. Tout passe crème avec elle, je veux même charger avec elle. Mais n'oublie jamais que d'autres sont tombés avec elle. Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi elle est-il au pluriel? Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi elle est-il au pluriel? Je vis avec elle, mais je veux mourir avec elle. Dieu merci, j'ai eu mon premier gosse avec elle. Mon cœur a battu pour la première fois avec elle. Elle est mon côté pis, je suis cool avec elle. Elle est l'unique, donc je suis dur avec elle. Et quand elle chiale, ça me fait de la peine. Des fois on passe de l'amour à la haine. C'est la galère de notre couple, elle comprend pas que je traîne. Elle prend mon phone et me fait la misère. C'est quoi toutes ces douze, mais t'es la seule qui en vaut la peine. On se déchire mais je suis bien avec elle. Y'a une centaine de meufs qui sont jalouses d'elle. Je veux faire des thunes et me barrer avec eux. Ma femme et mes enfants, ça fait longtemps qu'on n'est plus deux. L'amour c'est dur quand tu le vis comme un nerveux. T'as beau faire la carrière, trouver l'unique, c'est ce que tout le monde je veut. Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi elle est-il au pluriel? Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi elle est-il au pluriel? Elle, j'en ai besoin. Et comme tous les mâles hétéros, je tresse les oreilles quand elle traverse le terrain. Belle, belle, on irait tirer pour elle. Bonne, bonne, à nous faire quitter nos ruelles. Et on dit qu'elle serait derrière tous les grands hommes. Moi seul dans mon grand lit, je revois tous leurs fantômes. Je l'aime, elle, faite de mille variétés. La nature a mille saveurs sur laquelle m'arrêter. Pour la famille, j'étais pas fait pour elle. Tu connais les blédards et leur état d'esprit. C'est la lutte, elle est blanche, je suis noir. Y'a comme un déjà entendu de je ne veux plus la voir. La tête contrôle, mais le cœur est autonome. J'pensais pas qu'à cette heure-ci, j'aurais autant de mômes. Mais j'assume comme un bonhomme. Écoute ma thérapie sur mesure, mon cœur bat comme un métronome. Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi elle est-il au pluriel? Je veux vivre avec elle, mourir avec elle, rire avec elle, souffrir avec elle, faire l'amour avec elle, même faire des mômes avec elle. Mais pourquoi il est-il infidèle?